Chapitre 9e. Si le capitaine Raig avait pu projeter son regard dans la chambre de Mrs. LeCount, tandis qu'il était sur le champ de parade à guetter sa fenêtre éclairée, il aurait vu la femme de charge, assise, comme perdue dans une profonde méditation et contemplant un petit morceau d'étoffe brune déposé sur sa table de toilette. Si exaspérante que cette conclusion pût être pour elle, Mrs. LeCount n'en était pas moins obligée de s'avouer que jusqu'alors, elle avait été déjouée et contrecarrée sur tous les points. Qu'allait-elle essayer maintenant? Si elle demandait Mr. Pendrill et s'il venait la trouver à Aldborough pour le petit nombre d'heures qu'il pourrait distraire de ses travaux habituels, quelle marche bien définie et précise y trouverait-il à suivre? Si elle montrait à Mr. Noel Vanstone la lettre originale d'après laquelle avaient été copiées les indications de la note rédigée par elle, il s'adressait aussitôt, pour qu'elle lui fût expliquée, à l'auteur de cette lettre. Il mettrait ainsi au jour le mensonge par lequel Mrs. LeCount était parvenue à tromper Miss Garth, et en somme, quoi qu'il arrivât, il déclarerait toujours, d'après le témoignage de ses propres yeux, que l'épreuve tentée au moyen des signes placés sur le cou n'avait aucunement abouti. Miss Vanstone l'aînée, dont la présence imprévue aurait pu faire merveille, dont la voix seule, vibrant sous le vestibule de North Shingles, alors même qu'on ne l'eût pas laissé pénétrer plus avant, eût pu arriver jusqu'aux oreilles de sa sœur et amener ainsi des résultats immédiats, Miss Vanstone l'aînée avait quitté le pays, et selon toute apparence, n'y devait pas rentrer avant un mois. Mrs. LeCount avait beau reprendre en sous-œuvre toutes ses démarches passées, elle n'en voyait pas davantage comment elle pourrait se frayer un chemin à travers les nombreux obstacles amoncelés devant elle. D'autres femmes, en pareil cas, auraient attendu quelque changement de circonstances capable de leur venir en aide. Mrs. LeCount, elle, revint hardiment sur ses pas et résolut de chercher, dans une direction toute nouvelle, un chemin qui la menât à son but. Renonçant pour le moment à toute tentative qui tendrait à prouver que la prétendue Miss Bygrave était la vraie Madeleine Vanstone, elle se proposa de circonscrire la portée des efforts qu'elle allait faire, de laisser provisoirement intactes les questions relatives à l'identité de Magdalene, et de se borner à convaincre son maître de ce simple fait que la jeune dame qui le charmait à North Shingles et la femme travestie qu'il avait épouvantée à Vauxhall Walk étaient une seule et même personne. Selon toute apparence, elle devait trouver beaucoup moins de facilité à obtenir ce résultat qu'elle n'en avait eu pour atteindre celui auquel les circonstances l'obligeaient à renoncer. Il n'y avait pas ici à compter sur l'appui des autres. On ne pouvait pas mettre en avant des motifs de bienfaisance. On ne pouvait invoquer l'aide ni de Mr. Pendrill, ni de Miss Garth. Désormais, donc, la femme de charge ne devait plus compter pour réussir que sur deux chances distinctes. La première, qu'elle parviendrait à pénétrer secrètement dans la maison ennemie. La seconde, qu'elle arriverait à découvrir si cette fameuse robe d'alpaga, d'où elle avait détaché en secret le fragment d'étoffe, n'appartenait point, par hasard, à la garde-robe de Miss Bygrave. Prenant un à un, dans leur ordre naturel, les problèmes qu'elle allait avoir à résoudre, Mrs. LeCount se promit de consacrer d'abord quelques journées à guetter les habitudes des résidents de North Shingles, et cela depuis le matin de bonne heure, jusqu'au terme des soirées les plus longues. Elle se promit aussi de vérifier jusqu'à quel point l'unique domestique de la maison était à l'épreuve d'une tentative corruptrice. En admettant que ceci tournât bien, et que par stratagème ou à prix d'argent elle se ménagea l'accès de North Shingles, à l'insu de Mr. Bygrave et de sa nièce, restait à étudier la seconde des deux difficultés, celle qui consistait à s'introduire dans la garde-robe de Miss Bygrave. Si la domestique se pouvait acheter, tous les obstacles à cet égard se trouvaient annulés de prime abord. Mais si l'on avait affaire à une honnête personne, la nouvelle solution devenait très difficile. La question, envisagée longtemps et avec soin, conduisit finalement la femme de charge à la détermination hasardeuse de se procurer une entrevue, si la domestique lui faisait défaut, avec Mrs. Bygrave elle-même. Quelle était la véritable cause de l'isolement mystérieux où vivait cette dame? Était-ce une personne de l'intégrité la plus absolue et la plus fâcheuse? Ou bien de celle à qui l'on ne peut confier sûrement la garde d'aucun secret? Ou bien encore une personne aussi rusée que Mr. Bygrave lui-même, et tenue en réserve pour servir plus tard à quelques déceptions préparées de longue main. Dans les deux premières hypothèses, Mrs. LeCount ne pouvait se fier à ses propres talents pour la feinte et aux résultats qu'elle devait en attendre. Dans la dernière, si on n'y gagnait pas autre chose, il pouvait être fort important pour elle de découvrir un ennemi jusque-là caché dans les ténèbres. À tout événement, elle décida qu'il fallait courir ce risque. Des trois chances favorables sur lesquelles elle avait compté au début de la lutte, la chance d'arracher à Magdalène une parole irréfléchie, la chance de la faire succomber par l'aide même de ses protecteurs naturels, enfin la chance de la démasquer au moyen de Mrs. Bygrave, on en avait essayé deux, qui toutes deux avaient manqué. Restait à tenter la troisième, et la troisième pouvait réussir. Ainsi complotait l'ennemi du capitaine, dans le secret de la chambre habitée par elle, tandis que le capitaine lui-même, debout sur la grève, au dehors, guettait ses vitres où brillait une lumière suspecte. Avant le déjeuner du lendemain, le capitaine Raig mit lui-même à la poste la lettre fabriquée pour Zurich. Il revint à North Shingles, sans avoir tout à fait arrêté la marche à suivre vis-à-vis de Mrs. LeCount durant les 10 jours qui allaient s'écouler et dont l'emploi importait si essentiellement au succès de ses ruses. À sa grande surprise, les doutes qui l'assiégeaient à ce sujet furent tranchés par Magdalène elle-même dès qu'il fut rentré au logis. Il la trouva qui l'attendait dans la pièce où le déjeuner était servi. Elle marchait incessamment de çà et de là, la tête penchée sur sa poitrine et ses longs cheveux flottant en désordre sur ses épaules. À l'instant où, le voyant entrer, elle leva les yeux, le capitaine éprouva la même crainte que Mrs. Raig avait ressentie avant lui, la crainte de voir l'intelligence de Magdalène pliée encore une fois sous un fardeau trop lourd, ainsi que cela était déjà arrivé lorsqu'elle avait reçu à Vauxhall Walk la lettre de Frank. « Revient-il aujourd'hui ? » demanda-t-elle, rejetant loin d'elle le fauteuil que lui présentait le capitaine Raig, et si violemment que ce meuble tomba renversé sur le parquet. « Oui, » dit le capitaine, assez sage pour lui répondre aussi brièvement que possible. « Il doit venir à 2 heures. »« Emmenez-moi donc, » s'écria-t-elle, repoussant brusquement les cheveux qui obstruaient son visage. « Avant qu'il arrive, emmenez-moi. Je ne pourrai dominer l'horreur que m'inspire l'idée de l'épouser. » Si je reste encore dans cet odieux séjour, conduisez-moi quelque part où je puisse oublier, sans quoi je deviendrai folle. Accordez-moi 2 jours de trêve, 2 jours pendant lesquels me sera épargné l'aspect de cette horrible mer, 2 jours pendant lesquels je cesserai d'être prisonnière dans cette abominable maison, 2 jours n'importe où, pourvu que je n'habite plus Holborough. Je reviendrai avec vous, j'irai, je vous le promets, jusqu'au bout de cette œuvre ténébreuse. Pour 2 jours seulement, délivrez-moi de cet homme, et de tout ce qui a trait à cet homme. M'entendez-vous, misérable ? S'écria-t-elle, lui prenant le bras et le secouant par un geste de colère frénétique. J'ai assez de cette torture. Je ne puis l'endurer plus longtemps. Il n'y avait qu'une manière de l'apaiser, et le capitaine prit sur le champ son parti. Si vous voulez tâcher de vous calmer, vous quitterez Holborough d'ici à 1 heure. Elle lâcha son bras et s'appuya de tout son poids à la muraille qui se trouvait derrière elle. « Je tâcherai, » répondit-elle, respirant encore avec effort, et lui jetant des regards moins farouches. « Si j'y puis quelque chose, vous n'aurez point à vous plaindre de moi. » Elle voulut, dans son trouble, tirer son mouchoir de la poche de son tablier, mais sans réussir à le trouver. Le capitaine vint charitablement à son aide. Quand il lui remit le mouchoir, les yeux de Magdalène prirent une expression plus douce, et sa respiration devint moins pénible. « Vous êtes meilleure que je ne vous supposais, » dit-elle. « Je regrette de vous avoir parlé tout à l'heure avec tant d'irritation. J'en suis fâchée, vraiment fâchée. » Et des larmes lui vinrent aux yeux, tandis qu'elle lui tendait la main avec sa grâce native et sa douceur d'autrefois. « Redevenons amis, » disait-elle, avec l'accent de la prière. « Je ne suis qu'une enfant, capitaine Raig. » « Je ne suis qu'une enfant. » Il prit sa main en silence, caressa un moment cette main, et ensuite ouvrit la porte à Magdalène, qui remonta dans sa chambre. Sur le visage du capitaine, tandis qu'il lui rendait ce léger service, un regret sincère était peint. Ce n'était qu'un vagabond et un escroc. Il avait toujours mené une existence avilie, tissue de fourberies et d'humiliations. Mais en somme, il avait des sentiments humains, et Magdalene venait d'éveiller en lui ces sympathies intimes que ne peut déraciner entièrement la profanation de soi-même à laquelle se condamne un chevalier d'industrie. « Au diable le déjeuner !» dit-il quand la domestique vint prendre ses ordres. « Allez immédiatement dire à l'hôtel qu'il me faut, dans une heure à la porte, une voiture attelée de 2 chevaux. » Il sortit dans le corridor, se débattant encore contre l'influence d'une sorte de trouble tout nouveau pour lui. Et sur un ton plus impérieux que jamais, il apostropha sa femme en ces termes « Faites nos paquets pour 8 jours, et que tout soit prêt d'ici à une demi-heure. » Ses instructions ainsi données, il rentra dans la salle à manger, regardant le couvert à moitié mis, et s'étonnant, s'irritant presque de se sentir peu en train de faire honneur à son repas. « Il a émoussé mon appétit, » se disait-il avec un rire forcé. « Essayons d'un cigare et d'une promenade en plein air. » S'il avait eu 20 ans de moins, ses remèdes ne lui eussent peut-être pas suffi. Mais où trouver l'homme dont la politique intérieure subisse une révolution complète après que cet homme a franchi la 50aine ? L'exercice et le changement de lieu rendirent au capitaine la pleine possession de lui-même. Son cigare reprit la saveur qu'il avait un instant perdue, et son attention, à un moment distraite, se reporta sur son prochain départ d'Aldborough. Or, il ne lui fallut pas de longues réflexions pour se convaincre que la brusque sortie de Magdalene venait de lui faire adopter, comme contraint et forcé, la meilleure voie qu'il put prendre, toute chose bien considérée. Les informations obtenues par le capitaine Raig, durant cette soirée où Magdalene et lui avaient pris le thé à Sea View, lui avaient appris bien positivement que le frère de la femme de charge possédait une modeste aisance, qu'il n'avait pas d'autres parents plus proches que sa sœur, et qu'il existait dans son voisinage des cousins peu scrupuleux, tout disposés à usurper dans son testament la place que Mrs. LeCount y devait régulièrement occuper. De là des motifs puissants qui devaient faire partir la femme de charge pour Zurich, aussitôt que le faux bruit de la rechute de son frère serait parvenu jusqu'à elle. Mais si, dans l'intervalle, Mrs. LeCount venait à soupçonner le moins du monde la véritable position de Noël Vanstone, comment s'assurer qu'elle ne préférerait pas, à la dernière heure, la défense des intérêts considérables qu'elle avait chez son maître à celle des intérêts médiocres qu'elle pouvait juger en péril au chevet de son frère mourant? Tant que cette question demeurerait douteuse, la nécessité d'arrêter dans ses progrès l'intimité de Noël Vanstone et de la famille de North Shingles ne pouvait faire l'objet d'un doute. Et de tous les moyens d'en arriver là, celui qui devait le moins ouvrir carrière aux soupçons était bien certainement la translation momentanée de leur pénate dans une autre résidence que celle d'Aldborough. Parfaitement convaincu que cette conclusion était bonne, le capitaine Raig alla immédiatement à Sea View Cottage pour y faire agréer ses explications et ses excuses avant l'arrivée du carrosse et le départ qui devait suivre. Mr. Noël Vanstone était facilement accessible aux personnes qui venaient le visiter, et pour le moment, il se promenait dans le jardin en attendant le déjeuner. Son désappointement, sa contrariété, s'exprimèrent librement dès qu'il eut prêté l'oreille aux communications de son nouvel ami. Mais l'éloquence abondante du capitaine lui eut bientôt fait comprendre qu'il fallait se résigner aux circonstances actuelles. Une simple insinuation que la pieuse fraude pourrait après tout échouer si, durant les 10 jours d'intervalle, le moindre incident venait éclairer Mrs. LeCount, eut pour effet immédiat de rendre Mr. Noël Vanstone aussi patient et aussi docile qu'on pouvait le désirer. « Je ne vous dirai point où nous allons, et cela pour 2 raisons excellentes, » continua le capitaine Raig quand il eut complété ses explications préliminaires. « En premier lieu, je n'ai rien décidé encore. Puis, j'estime que si vous saviez où nous allons, Mrs. LeCount pourrait fort bien vous tirer les vers du nez. Je suis parfaitement sûr qu'elle nous guette en ce moment, abritée derrière son rideau. Quand elle vous demandera pourquoi je suis venu ce matin, répondez-lui que ma visite avait pour but de vous faire mes adieux, et que je me suis décidé à m'absenter quelques jours, afin de procurer à ma nièce, dont l'état a légèrement empiré, les bénéfices d'un changement d'air, en l'emmenant chez quelques amis qui sollicitaient notre visite. Si vous pouviez, sans trop d'exagération, laisser entendre et persuader à Mrs. LeCount que je vous ai désappointé en quelque chose, et que vous vous sentez disposé à révoquer en doute mon désir sincère de consolider les relations formées entre nous, vous auriez concouru d'une manière notable à la réalisation de notre projet actuel. Vous devez compter que dans 4 ou 5 jours au plus, nous serons de retour à North Shingles. Si quelque idée me venait d'ici là, ou si quelque nouvel incident l'exigeait, nous aurons toujours la poste à notre service et je ne manquerai pas de vous écrire. Et Miss Bygrave, elle ne m'écrira-t-elle point ? Demanda Mr. Vanstone d'un ton plaintif. Savait-elle que vous veniez ici ? Ne vous a-t-elle chargé d'aucun message ? Impardonnable à moi de n'y avoir pas songé plus tôt, s'écria le capitaine. Elle m'a chargé pour vous de toutes ses tendresses. Mr. Noel Vanstone ferma les yeux, plongé qu'il était dans une extase muette. Quand il les rouvrit, le capitaine Raig avait déjà franchi le seuil du jardin, s'acheminant à grands pas vers North Shingles. À peine la porte de sa maison s'était-elle refermée sur lui, que Miss LeCount, quittant le poste d'observation où le capitaine avait eu raison de la supposer, vint adresser à son maître la question que le capitaine avait prédite comme devant suivre de fort près son départ. La réponse qu'elle reçut ne produisit sur elle qu'une impression. Immédiatement convaincue que c'était un mensonge, elle revint se placer à sa fenêtre pour y guetter, avec plus de vigilance que jamais, les faits et gestes des habitants de North Shingles. Son étonnement fut considérable lorsqu'elle vit, moins d'une demi-heure après, une voiture vide s'arrêter à la porte de Mr. Bygrave. On apporta le bagage, qui fut chargé sur l'impériale. Apparut ensuite Miss Bygrave, qui prit place dans l'intérieur. Elle y fut suivie par une dame de haute taille et de dimensions notables, qui, selon les conjectures de la femme de charge, devait être Mrs. Bygrave. La domestique vint après et se tint arrêtée sur le chemin. Mr. Bygrave parut le dernier. Il ferma la porte de la maison et alla en déposer la clé dans un cottage voisin, connu pour être la résidence du propriétaire de North Shingles. À son retour, il envoya un petit signe de tête du côté de la domestique qui partit alors toute seule, se dirigeant vers les plus humbles quartiers de la ville, et ensuite il monta auprès des dames déjà installées. Le cocher à son tour grimpa sur son siège et l'équipage ne fut pas longtemps à disparaître. Mrs. LeCount déposa la lorgnette de spectacle qui lui avait servi à surveiller de près toutes ses démarches, avec un sentiment de perplexité découragée qu'elle était presque honteuse de trouver chez elle. Le but que se proposait Mr. Bygrave en expulsant ainsi toute créature vivante de sa maison d'Aldborough demeurait pour elle un mystère impénétrable. Se soumettant aux circonstances avec une résignation que le capitaine Raig, à pareille fête, n'aurait certainement pas montrée, Mrs. LeCount ne perdit ni son temps ni sa patience en conjectures inutiles. Elle laissa le mystère s'obscurcir ou se dévoiler selon que l'avenir en déciderait et ne voulut envisager que le parti à tirer dans son intérêt de l'incident survenu ce matin-là. Quoi qu'il en fût de la famille établie à North Shingles, la domestique du moins était restée, et c'était là justement la personne dont le secours pouvait être le plus essentiel au projet de la femme de charge. Mrs. LeCount mit son chapeau, vérifia la quantité de menu monnaie que renfermait sa bourse, et partit immédiatement pour s'aller mettre en rapport avec cette fille. Elle commença par se rendre au cottage où Mr. Bygrave avait laissé la clé de North Shingles, afin d'obtenir du propriétaire l'adresse actuelle de la domestique. En tant qu'il ne s'agissait pas d'autre chose, sa démarche fut couronnée d'un plein succès. Le propriétaire savait que cette fille avait reçu congé d'aller passer quelques jours auprès de ses parents, et il connaissait le quartier d'Aldborough où ils étaient domiciliés. Mais là s'arrêtaient ces informations qui tout à coup firent défaut à l'avide curiosité de Mrs. LeCount. Il ne savait rien de l'endroit où Mr. Bygrave s'était transporté avec sa famille. Il ignorait de même la durée probable de leur absence. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'il n'avait reçu de son locataire aucun avis de départ définitif et qu'il était requis de garder la clé du cottage jusqu'à ce que Mr. Bygrave vînt la réclamer en personne. Déçu mais non découragé, Mrs. LeCount se mit aussitôt en quête de la ruelle qui lui avait été indiquée et surprit fort les parents de la domestique en les honorant de sa visite matinale. Cette fille, facilement trompée par Mrs. LeCount, qui venait, disait-elle, engager ses services dans l'idée qu'elle avait quitté Mr. Bargrave, répondit de son mieux aux questions qui lui étaient posées. Mais sur les projets de son maître, elle n'en savait guère plus que le propriétaire de la maison. Elle n'en pouvait rien dire, si ce n'est qu'elle n'avait pas été congédiée et devait attendre un billet qui la rappellerait à North Shingles lorsque sa présence y serait requise. Mrs. LeCount, qui ne s'était pas attendue à la trouver mieux informée sur ce point, changea de sujet par une suite de transitions bien ménagées et sut amener cette fille à s'expliquer en général sur les avantages et les inconvénients de sa situation chez Mr. Bygrave. Mettant à profit la connaissance des petits secrets du ménage qu'elle obtenait ainsi par une voie indirecte, l'habile femme de charge fit deux découvertes. La première, c'est que la domestique, suffisamment occupée par les travaux matériels du ménage, n'était pas à même de trahir les secrets de la garde-robe de Miss Bygrave, secrets connus seulement de la jeune personne elle-même et de sa tante. La seconde, c'est que le vrai motif de l'isolement rigoureux imposé à Mrs. Bygrave devait être attribué à ce simple fait que, cette dame étant à peu près idiote, son mari, fort probablement, avait honte de la montrer en public. Ces découvertes, si triviales en apparence, éclairaient Mrs. LeCount sur un point fort essentiel et jusque-là restait douteux. Elle était désormais convaincue que provenir à de secrètes investigations dans la garde-robe de Magdalene, il fallait abuser la dame idiote et non corrompre une domestique ignorante. La femme de charge, arrivée à cette conclusion, laquelle présageait maint assaut à la discrétion si mal fortifiée de la pauvre Mrs. Reig, s'abstint avec soin de se montrer plus longtemps sous les dehors d'un inquisiteur femelle. La conversation fut par elle amenée sur des sujets d'intérêt local et savamment prolongée jusqu'à ce que Mrs. LeCount fût bien sûre de laisser derrière elle une impression des plus favorables. Alors seulement elle prit congé. 3 jours passèrent. Mrs. LeCount et son maître, chacun d'eux avec des vues bien différentes, attendaient, aussi inquiets l'un que l'autre, les premiers signes de vie qui se manifesteraient du côté de North Shingles. Dans l'intervalle, aucune lettre n'arriva pour Mr. Noel Vanstone, pas plus de l'oncle que de la nièce. L'irritation réelle que cette négligence lui causa l'aidait singulièrement à feindre sur le compte de ses amis absents les doutes que le capitaine lui avait recommandé d'exprimer en présence de la femme de charge. Il avoua qu'il craignait de s'être mépris, non seulement sur le compte de Mr. Bygrave, mais encore sur celui de sa nièce, et cela d'un air si sincèrement contrarié qu'il ajouta aux perplexités déjà existantes de Mrs. LeCount un élément nouveau de trouble et d'incertitude. Le matin du 4e jour, Mr. Noel Vanstone rencontra dans son jardin le facteur de la poste et fut grandement soulagé quand il trouva, parmi les lettres à lui délivrer, un billet de Mr. Bygrave. Ce billet était daté de Woodbridge et ne renfermait que quelques lignes. Mr. Bygrave indiquait dans l'état de sa nièce un changement favorable et se disait, comme auparavant, chargé d'un tendre message. Il comptait revenir le lendemain en son domicile d'Alborough et aurait alors l'occasion de soumettre à Mr. Noel Vanstone certaines considérations nouvelles, d'une nature toute particulière. En attendant, il priait Mr. Vanstone de ne point se présenter à North Shingles avant d'y avoir été spécialement convié. Il le serait certainement le jour même où la famille y rentrerait. Le motif de cette requête, qui devait au premier abord lui sembler si étrange, serait expliqué à Mr. Vanstone de la manière la plus satisfaisante, quand il se retrouverait avec ses amis. Jusqu'à ce moment, on lui prescrivait les plus strictes précautions dans tous ses rapports avec Mrs. LeCount, et on lui imposait, comme condition sine qua non, si cette locution classique nous peut être pardonnée, l'anéantissement complet de la lettre de Mr. Bygrave dès qu'elle aurait été parcourue et suffisamment méditée. Le 5e jour arriva. Mr. Noel Vanstone, qui s'était soumis au sine qua non et avait détruit la lettre, attendait avec anxiété les résultats promis, tandis que de son côté, Mrs. LeCount était patiemment à l'affût de ce qui allait se passer. Vers 3 heures de l'après-midi, la voiture se montra de nouveau à la porte de North Shingles. Mr. Bygrave en sortit, et de son pas alerte, alla chercher la clé dans le cottage du propriétaire. Il revint, ayant la domestique sur ses talons. Miss Bygrave, à son tour, descendit de voiture. Son énorme parente l'imita aussitôt. La porte de la maison s'ouvrit, les malles furent enlevées, la voiture disparut, et les Bygrave se trouvèrent de retour. 4 heures, 5 heures, 6 heures sonnèrent, et rien n'arriva. Mais une demi-heure après, Mr. Bygrave, élégant, immaculé, respectable comme à l'ordinaire, se montra sur le champ de parade et s'en vint flâner d'un air très calme dans la direction de Sea View. Au lieu d'y entrer immédiatement, il passa devant la porte, s'arrêta comme frappé d'une soudaine réminiscence, et revenu sur ses pas, il s'informa si Mr. Vanstone était au logis. Mr. Vanstone sortit dans le couloir avec un empressement hospitalier. Il vint alors la voix, de manière à être entendu aisément de toute personne aux écoutes derrière une des portes ouvertes du premier étage. Mr. Bygrave, tout en s'essuyant les pieds, manifesta, aussi laconiquement que possible, l'objet de la visite qu'il venait de faire. Il arrivait de chez un parent éloigné. Ce parent éloigné possédait 2 tableaux, véritables perles d'ancien maître, dont il était disposé à se défaire, et que, dans ce but, il avait confié à Mr. Bygrave. Si Mr. Noel Vanstone, grand amateur des arts, désirait voir ces perles, elles seraient accessibles d'ici à une demi-heure, aussitôt que Mr. Bygrave allait être rentré à North Shingles. Une fois débarrassé de cette incompréhensible déclaration, l'artisan de complot posa un doigt significatif le long de son petit nez romain, et ajoutant simplement « Le temps est beau, n'est-ce pas ? Eh bien, le bonsoir !» Il continua sur le champ de parade sa mystérieuse flânerie. À l'expiration de la demi-heure, Mr. Noel Vanstone se présentait à North Shingles avec toute l'ardeur d'un amant, toute la curiosité d'un homme qui ne sait où il en est. Curieux exemple de flamme inextinguible brûlant au sein d'un épais brouillard intellectuel. Nous n'essayerons pas de peindre son bonheur quand il trouva Magdalene seule dans le salon. Jamais, à ses yeux, elle n'avait semblé si belle. Le repos, le soulagement qu'elle avait trouvé dans ses 4 jours d'absence, lui avait rendu mieux que du sang-froid. Sans cesse, passant d'un extrême à l'autre, le désespoir où elle s'abandonnait, 5 jours auparavant, s'était changé en une exaltation fiévreuse qui défiait tout remords et affrontait toute conséquence. Ses yeux étincelaient, ses joues étaient animées, elle bavardait incessamment, parodiant avec amertume cette gaieté de jeune fille qu'on lui avait vue autrefois. Elle riait d'un rire lamentablement obstiné. Elle contrefaisait la douce voix, les manières insinuantes de Miss Lecount, avec une exagération de fidélité où se reflétait grossièrement la finesse mimique qu'avait eue autrefois son jeu. Mr. Noel Vanstone, à qui jamais elle n'était apparue sous cet aspect, demeurait littéralement sous le charme. Sa faible cervelle fléchissait sous l'ivresse du plaisir. Le sang affluait à ses joues blêmes, comme si celle de Magdalene leur eussent communiqué la fièvre. La demi-heure qu'il passa seul avec elle ne lui sembla pas avoir duré 5 minutes. Ce temps écoulé, quand elle le quitta tout à coup, pour obéir à l'invitation convenue d'avance qui devait la rappeler auprès de sa tante, il aurait donné, si l'ardre qu'il fût, 5 belles pièces d'or, à tirer immédiatement de sa poche pour passer 5 minutes de plus auprès de l'enchanteresse. La porte s'était à peine refermée sur Magdalene qu'elle se rouvrit pour livrer passage au capitaine. Il aborda les explications sur lesquelles son hôte avait le droit de compter, avec le brusque sans-gêne d'un homme que le temps presse et pour qui le bon emploi de chaque minute passe avant toute autre considération. « Depuis que nous ne nous sommes vus, commença-t-il, j'ai balancé le compte de nos chances favorables et contraires telles que je les envisage présentement. Voilà à quel résultat mon esprit s'arrête. Si vous habitez encore Aldborough quand cette lettre de Zurich sera remise à Mrs. Lecount, toutes les peines que nous avons prises seront autant de peines perdues. Votre femme de charge eut-elle 50 frères, moribonds tous à la fois, elle les planterait là plutôt que de vous laisser seul à Sea View, tant que vous aurez à North Shingles des voisins comme nous. » Les joues animées de Mr. Noel Vanstone redevinrent pâles d'effroi. il connaissait assez Mrs. LeCount pour comprendre toute la justesse des prévisions du capitaine. « Si nous nous éloignons encore, continua ce dernier, nous n'y gagnerons absolument rien, car votre femme de charge ne voudra jamais croire, en pareille occurrence, que nous ne vous avons pas laissé le moyen de nous suivre. C'est donc vous, cette fois, qui devez quitter Aldborough, et vous en devez partir, qui plus est, sans laisser derrière vous la moindre trace visible qui nous mette à même de retrouver vos traces. Si, d'ici à 5 jours, nous avons obtenu ce résultat, Monsieur LeCount fera son voyage à Zurich. Sinon, nous sommes certains de l'avoir s'immobilisé à Seaview. Ne m'adressez aucune question. J'ai déjà préparé les instructions à votre usage et vous prie d'y prêter l'attention la plus soutenue. Votre mariage avec ma nièce n'aura lieu que si vous n'oubliez pas un mot de ce que je vais vous dire maintenant. Une question tout d'abord. Avez-vous suivi mon conseil? Avez-vous dit à Monsieur LeCount que vous commenciez à vous croire abusé sur mon compte? J'ai fait bien pire, répondit Mr. Noel Vanstone avec l'accent du remords. J'ai outragé mes sentiments les plus chers. Je me suis déshonoré en disant que je soupçonnais Miss Bygrave. Continuez à nous déshonorer, mon cher monsieur. Soupçonnez-nous de toutes vos forces, et je vous y aiderai s'il le faut. Encore une question. Ai-je parlé assez haut cet après-midi? Mrs. LeCount m'a-t-elle entendu? Oui, LeCount a ouvert sa porte. LeCount vous a écouté. Quel était le but de ce prétendu message? Je ne vois pas ici le moindre tableau. Est-ce encore, Monsieur Bygrave, une de vos pieuses fraudes? Parfaitement deviné, Monsieur Vanstone. Dans ce que je vais immédiatement ajouter, vous verrez pourquoi je me suis mis à la tête d'un prétendu commerce de vieilles peintures. De retour à Seaview, voici les propos que vous tiendrez à Mrs. LeCount. Dites-lui que les œuvres de mon parent sont de mauvaise croûte, deux copies d'anciens maîtres que j'ai voulu vous vendre, comme originaux, à un prix exorbitant. Dites-lui que vous me soupçonnez de faire un métier d'imposteur, et témoignez une grande pitié pour ma pauvre nièce, associée aux destinées d'un coquin tel que moi. Voilà le thème sur lequel vous aurez à broder. Développez en beaucoup de mots ce texte que je viens d'abréger. Vous le pouvez, j'imagine. Je le puis, sans doute, dit Mr. Noel Vanstone, mais je dois vous en prévenir, LeCount ne me croira pas. Une minute, Monsieur Vanstone. Je ne vous ai pas encore donné toutes mes instructions. Vous comprenez ce que je viens de vous dire. À merveille. Passons de la journée d'aujourd'hui à celle de demain. Demain, à votre heure accoutumée, vous sortirez avec Mrs. LeCount. Je vous rencontrerai sur le champ de parade et je vous enverrai un salut. Au lieu de me le rendre, regardez de l'autre côté. Coupez-moi, comme nous disons en bon anglais. Voilà, n'est-il pas vrai qu'il n'est pas trop difficile? Elle ne me croira pas, Monsieur Bygrave, elle ne me croira pas. Encore une minute, Monsieur Vanstone. Mes instructions ne sont pas achevées. Vous en avez pour aujourd'hui, vous en avez pour demain. Pourvoyons au jour d'après. Après-demain est le 7e jour depuis le départ de la lettre envoyée à Zurich. Le 7e jour, vous refuserez d'aller à la promenade comme à l'ordinaire, et cela, crainte de m'y rencontrer, ce qui vous gêne. Vous vous plaignez d'habiter un endroit où l'on est les uns sur les autres. Vous vous lamentez sur l'état de votre santé. Vous déplorez l'idée que vous avez eue de venir prendre les bains d'Aldborough. Vous regrettez d'avoir jamais connu les Bygrave. Et lorsque vous aurez bien harcelé Mrs. LeCount de vos mécontentements, de vos ennuis, vous lui demanderez tout à coup si elle ne saurait vous suggérer aucun changement qui vous en délivre. Admettant que cette question lui soit posée simplement et du ton le plus naturel, peut-on se flatter qu'elle y réponde? Pour cela, aucune question n'est nécessaire, répondit Mr. Noel Vanstone avec une espèce d'irritation. Je n'ai qu'à me plaindre du séjour d'Aldborough, et si elle me croit sincère, ce dont elle se gardera bien, car elle ne me croira pas, Monsieur Bygrave, c'est moi qui vous en réponds. Ces suggestions n'attendront pas, de ma part, une interpellation plus directe. « Oh bah !» dit le capitaine avec empressement. « Il y a donc un endroit où Mrs. LeCount voudrait aller cet automne ?»« Elle voudrait y aller, le diable l'emporte, tous les automnes que Dieu fait. »« Allez où ?»« Chez l'amiral Bartram. Vous ne le connaissez sans doute pas. » À Saint Crux in the Marsh. Ne vous impatientez pas, Monsieur Vanstone. Ce que vous me dites maintenant est de la plus haute importance pour l'objet que nous avons en vue, qui est l'amiral Bartram, un ancien ami de mon père. Mon père en avait fait son obligé. Dans leur jeunesse à tous deux, mon père lui avait prêté de l'argent. Je suis traité à Sainte-Croix comme un membre de la famille. Ma chambre y est toujours préparée. L'amiral n'a d'ailleurs auprès de lui aucun de ses parents, si ce n'est son neveu George Bartram. George est mon cousin. Je suis aussi intime avec George que mon père l'était avec l'amiral. Et j'étais plus fin que mon père, car je n'ai pas prêté d'argent à mon ami. Le comte affecte toujours d'aimer George. Je présume que c'est pour me contrarier. Elle aime aussi l'amiral. Il flatte sa vanité. Il l'invite toujours à m'accompagner dans mes visites à Sainte-Croix. Il lui donne une de ses plus belles chambres et la traite en femme comme il faut. Or, elle est orgueilleuse comme tous les diables. Elle aime qu'on la traite en femme comme il faut et me tourmente tous les automnes que j'aille à Sainte-Croix. Qu'y a-t-il? Pourquoi prenez-vous votre agenda? Il me faut l'adresse de l'amiral, monsieur Vanstone, dans un but que je vous expliquerai immédiatement. À ces mots, le capitaine Raig ouvrit son agenda et, sous la dictée de Mr. Noel Vanstone, écrivit l'adresse comme suit: l'amiral Bartram, Sainte-Croix-in-the-Marsh, près d'Ossory, Essex. Très bien, s'écria le capitaine, refermant son livre de notes. La seule difficulté qui nous barra encore le chemin se trouve maintenant écartée. Patience, monsieur Vanstone, patience. Reprenons mes instructions au point où nous les avons laissées. Veuillez m'accorder encore 5 minutes d'attention, et vous verrez aussi clairement que moi-même par quelle voie nous en viendrons à vous marier. Après-demain, vous vous déclarez ennuyé d'Alborough, et Miss Lecount propose Sainte-Croix. Vous ne dites sur le moment ni oui ni non. Vous vous donnez pour y réfléchir toute la journée suivante, et le soir même, au dernier moment, vous vous décidez à partir pour Sainte-Croix dès le lendemain matin, sans aucun retard. Êtes-vous habitué à surveiller la confection de vos malles? Ou bien laissez-vous d'ordinaire tout l'ennui de cette besogne à Mrs. Lecount? Lecount en a tout l'ennui, cela va sans dire. Lecount est payé pour cela. Mais voyons, ceci n'est qu'un départ simulé. Je ne m'en vais pas réellement, n'est-il pas vrai? Vous vous en allez, au contraire, et du plus grand train que les chevaux puissent prendre pour vous conduire au chemin de fer. Vous vous en allez sans avoir établi la moindre communication préalable avec la maison où nous sommes, soit personnellement, soit même par simple lettre. Vous laissez derrière vous Mrs. Lecount, chargée d'emballer vos curiosités, de solder vos fournisseurs, et de vous suivre le lendemain matin à Sainte-Croix. Or, le lendemain matin commence la 10e journée. Ce jour-là, précisément, elle reçoit la lettre timbrée de Zurich, et alors, si vous avez suivi de point en point mes instructions, cher monsieur Vanstone, aussi sûr que vous êtes assis là, nous la verrons partir pour Zurich. À mesure que le stratagème du capitaine lui apparaissait peu à peu sous son vrai jour, Mr. Vanstone sentait de nouveau le sang lui monter aux joues. « Et à Sainte-Croix, moi, qu'aurais-je à faire ? » demanda-t-il. « Vous attendrez jusqu'à ce que j'aille vous y prendre, » répondit le capitaine. « À peine Mrs. Lecount aura-t-elle le dos tourné. J'irai faire à l'église d'Aldborough la déclaration de mariage qui est un des préliminaires indispensables. Le jour même, ou le lendemain au plus tard, je me rends à l'adresse que je viens d'écrire sur mon agenda. Je vous enlève de chez l'amiral et je vous emmène à Londres où nous allons ensemble nous procurer la licence. Ce document une fois en notre possession, nous reprenons le chemin d'Aldborough tandis que Mrs. Lecount prend celui de Zurich. Et avant qu'elle reparte de Suisse pour revenir en Angleterre, vous et ma nièce êtes devenues mariées femmes. Voilà les perspectives d'avenir ouvertes devant vous. Vous conviennent-elles? Quelle tête vous avez! S'écria Mr. Noel Vanstone dans un soudain élan d'enthousiasme. Vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'aie jamais rencontré. On croirait que vous avez passé votre vie à mystifier les gens. Le capitaine Raig reçut cet hommage, rendu sans le savoir à son génie naturel, avec la complaisance tranquille d'un homme qui sentait l'avoir mérité. « Je vous ai déjà dit, mon cher monsieur, reprit-il modestement, que je ne fais jamais les choses à moitié. Permettez-moi maintenant de vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre en échange de courtoisie. Avez-vous bien toutes vos instructions dans la tête? Je n'ose vous les donner par écrit, de peur d'accident. Essayez d'une mnémonique artificielle. Énumérez après moi vos instructions sur les 5 doigts de votre main. Aujourd'hui, vous me dénoncez à Miss LeCount comme ayant essayé de vous attraper avec les œuvres d'art de mon parent. Demain, vous me rompez en visière sur le champ de parade. Le jour d'après, vous refusez de sortir. Alborough vous ennuie et vous laissez se produire la suggestion de Mrs. LeCount. Le lendemain, vous acceptez cette suggestion. Et le surlendemain, vous partez pour St. Crux. Répétons, mon cher monsieur, le pouce, œuvre d'art. L'index, avani sur le champ de parade. Le médius, ennui d'Alborough. L'annulaire, acceptation du conseil de LeCount. Le petit doigt, départ pour St. Crux. Rien ne saurait être plus clair. Rien de plus facile à exécuter. Y a-t-il quelque chose que vous n'ayez pas tout à fait compris? Quelque chose que je puisse vous expliquer encore avant que vous sortiez d'ici? Une seule question, dit Mr. Noel Vanstone. Est-il bien arrêté que je ne dois pas revenir dans cette maison avant de partir pour St. Crux? Arrêté de la manière la plus positive, répondit le capitaine. La réussite de l'entreprise dépend tout entière du soin que vous mettrez à nous éviter. Mrs. LeCount n'aura qu'une épreuve pour mesurer le degré de confiance dû à vos paroles. Et cette épreuve doit consister à savoir si vous êtes, oui ou non, demeurer en communication avec nous. Elle vous guettera, soyez-en sûr, nuit et jour. Ne venez point ici, n'envoyez pas de messages, n'écrivez pas de lettres, et même ne sortez jamais seul. Qu'elle vous voie, sur sa recommandation express, vous en allez à St. Crux. Donnons-lui l'absolue certitude que vous avez suivi son avis sans le faire savoir d'une manière quelconque, soit à moi, soit à ma nièce. Venons-en là, et il faudra bien qu'elle vous croie, sur le meilleur des témoignages en notre faveur, qui deviendra le pire pour ses intérêts, à savoir le témoignage de ses propres sens. Avec ces dernières paroles, destinées à le mettre sur ses gardes, il donna une chaleureuse poignée de main à Mr. Noel Vanstone et le renvoya chez lui sans le moindre délai. Le capitaine Raig s'alla coucher, ce soir-là, dans les meilleures dispositions du monde. Même en levant l'été noir qu'il allait poser sur sa bougie, il se permit d'apostropher plaisamment ce petit meuble. « Que ne puis-je, disait le capitaine, vous laisser tomber de même sur Mrs. LeCount. Ce serait dire adieu à la seule inquiétude qui me reste encore d'ici au jour de la noce. »